monde, je te le donne. Va, jamais n'abandonne. Vrai, qui n'est pas à l'image des rêves d'un enfant de ton âge. Je sais, le monde a des accents. Souvent, il nous montre les dents. Mais je l'aime comme eux, je t'aime. Et faudra bien que tu l'aimes. Tu en es le vivant poème. Pas, le monde est un espoir. L'espoir jamais ne l'abandonne. Oui, le monde est notre histoire. De matin clair et de nuit noire. Je sais, le monde a des armes qui parfois nous désarment. Mais je l'aime comme je t'aime. Et il faudra bien que tu l'aimes. La vie est un poème, tu le feras toi-même. Oui, va, ce monde va le voir. Va, jamais ne perds l'espoir. Oui, dans ce monde va te voir. Traverse, traverse les miroirs. Que le monde a des dents, comme nous, souvent il se défend. Mais il t'aime comme tu l'aimes. Oui, faudra bien que tu l'aimes. La vie est un poème. Oui, c'est un long je t'aime. Un vivant poème que tu finiras toi-même.